vaguer. Sur ta tête elles vont se poser. Les herbes folles, les jolies genêts. Que sur tes cheveux j'aime y attarder. Mes doigts deviennent de petits chevaux. Faut chanter mèche à chaque galop. Quand vient l'heure mes mains se promènent sur le rempart de ton dos nu. Cette fragile muraille de Chine cachée dessous ta peau fine. Elles y restent toute une semaine. Mais n'oublie ton épaule nue. Oublie ta mère, mon cœur.